J'accuse. J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le 26 avril prochain. En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose. C'était à la une. L'intransigeant, 20 octobre 1892, sous la terre et sur l'eau. Lisez les feuilles. Ce n'est plus Monsieur de Solages qui a expulsé Calvignac de la mine, c'est Calvignac qui a chassé Monsieur de Solages de la chambre. Le baron Rey et lui sont deux victimes en faveur desquelles on va peut-être nous demander d'ouvrir une souscription dans l'intransigeant. Ce qu'on néglige malheureusement de nous expliquer, c'est comment il se fait que ces exploités soient 12 ou 15 fois millionnaires, tandis que les ouvriers et leurs exploiteurs ont à peine une bouchée de pain à se mettre sous la dent. Depuis d'innombrables années, les patrons serrent sans pitié ni remords la vis à leurs salariés. Et quand ceux-ci se décident à se rebiffer, ceux-là prennent des attitudes de mignons aspirant au ciel et s'écrient douloureusement « Les ingrats, c'est à renoncer à faire le bien. » Mais si les mineurs avaient la naïveté de se laisser attendrir, il leur arriverait infailliblement ce qui s'est produit, par exemple, pour les pauvres pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, aujourd'hui retombés entre les mains de leurs infâmes armateurs, 100 fois plus misérablement bas que ne l'étaient les corvéables d'avant la Révolution. Ces pauvres gens, auprès desquels les pêcheurs d'Islande de Pierre Loti sont des richards et des rois de la mer, ont commis la déplorable faute d'aliéner la liberté de leur commerce et se sont laissés appointer par un syndicat de 40 propriétaires de barques qui les envoient tous les matins s'exposer à l'engloutissement et à la mort pour la somme de 77 francs par mois. Et la plupart d'entre eux ont 5, 6 ou 7 enfants. Il y a quelques années encore, ils étaient engagés par un patron de bateau qui partageait avec eux ses prises en gardant une moitié pour lui et distribuant l'autre à son équipage. Les pêcheurs vendaient ainsi leurs poissons et gagnaient soit peu, soit beaucoup d'argent, selon que la journée avait été mauvaise ou bonne. Une année où la pêche avait donné d'assez maigres résultats, des naufrageurs vinrent insidieusement trouver les 10 000 marins du port de Boulogne et leur firent cette proposition. Si vous voulez, au lieu de tabler constamment sur un aléa et de compter sur des coups de filet qui souvent ne vous amènent rien, vous signerez avec nous un engagement ferme et moyennant 100, 50 ou 200 francs par mois que vous serez toujours sûr de trouver, vous irez travailler pour nous. Et ils ajoutèrent par surcroît de sollicitude, nous vous achèterons vos barques et vos filets et vous n'aurez plus à vous occuper que de toucher vos appointements. Les braves et innocents matelots donnèrent dans ce grossier panneau. Les deux premiers mois, les 150 francs furent exactement payés. Puis la bande noire, sous des prétextes quelconques, réduisit les gages d'abord à 125, ensuite à 100 francs, et enfin au chiffre actuel, c'est-à-dire 77 francs. Pas même 80, sans préjudice de quelques réductions nouvelles. Les 10 000 pêcheurs de Boulogne, ainsi volés et affamés, eux et leurs familles, formulèrent des réclamations énergiques et tentèrent même de se mettre en grève. C'est alors que leurs armateurs leur tinrent ce langage, à peu près identiquement le même que celui de la compagnie de Carmo à ses ouvriers. « Faites ce que vous voudrez, nous sommes maintenant assez riches pour vivre pendant un an au moins sur notre capital. Or, comme vous n'avez plus ni filet ni bateau, vous seriez, sous peine de mourir de faim, obligés de mettre bientôt les pouces. » Et ce n'est pas tout. Autrefois, les patrons de chaloupes, s'embarquant avec leurs hommes et courant les mêmes risques de mer, ne s'aventuraient que par des temps supportables. Aujourd'hui, les employés de la bande noire reçoivent, par les plus effroyables tempêtes, l'ordre de partir, leurs négriers n'ayant personnellement rien à craindre, puisqu'ils restent à terre. C'est à ce système d'assassinat prémédité et encouragé par le ministre de la Marine qu'on doit actuellement une énorme recrudescence dans les naufrages. Sous terre, comme à Carmo, sur l'eau, comme à Boulogne, telle est cette magnifique organisation du patronat que le gouvernement ne manque jamais de défendre en toute occasion et pour laquelle le sang a coulé à fourmis. Henri Rochefort.